Y'a des grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Oh, aucune pitié, aucune pitié. Oh, pitié, t'as pas de couilles pour assumer. Y'a des grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Oh, aucune pitié, aucune pitié. Oh, pas sinon escaprode, ouais mes punchlines sont trop blessés. Les jaloux n'ont aucune chance et moi j'ai aucune pitié. Quand je pars planté dans le crâne sans coude sur le trottoir. Je suis pas ton pote, je connais AP, passe mon une de ton répertoire. J'encule les rageux, mon premier couplet les fait pleurer. Une balle bloquée dans le cerveau, les rappeurs deviennent handicapés. Le son vient juste débuter, pour l'instant c'est qu'une intro. Mes sons te font mal alors tu t'es jeté dans le métro. Mon stylo est chaud, il lâche des rimes de malade mental. Mon cerveau est en forme, il vient d'un pays oriental. La route me dit que j'ai pas content, va vivre ailleurs, sinon c'est le winner. Les jaloux sont des losers, pour toi peu et c'est game over. Les turcs se plaignent de nous, parce qu'ils ont trop peur. Mon majeur se lève en forme, devant le drapeau de France. Toujours supporter du PSG, depuis mon enfance. Les MC qui fait retracer en face du léger, aucun pitié. Les grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Oh, aucune pitié, aucune pitié. Oh, aucune pitié, t'as pas de couilles pour assumer. Y'a des grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Oh, aucune pitié, pitié. Pitié, t'as pas de couilles pour assumer. Comme ADNB Paris 75019, ici ça rigole pas. Si je m'en demande à ton trop ils donnent leur corps sur FB. Trop biatches se font tuer, c'est bien fait. Mon stylo va vite, il écrit de plus en plus vite. Les buts sont excités, sans pitié, ils veulent de la bide. Puis y'a des petits cons qui veulent qu'ils puis ils les invitent. Grosse part dans les couilles, puis maintenant y'a du sang partout. Une balle dans la tête, maintenant tous les jeunes deviennent fous. Beaucoup tombent dans le dos avec la force, les gars sont féroces. Vers une Audi Porsche, direction l'Oscapo. Ferrari, Lamborghini, direction l'Italie. Sino et sans pitié, maintenant la gentillesse est terminée. Les listes de pute prennent pour Dieu. Ils essaient de me juger, ils arrivent pas à m'attraper. Mes traces sont des erreurs, parce que je les ai doublées. Les récits, les refrains, yeah. Y'a des grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Oh, aucune pitié, aucune pitié. Oh, aucune pitié, t'as pas de couilles pour assumer. Y'a des grosses biatches sur Paris, et c'est confirmé. Les rageux ouvrent leur gueule, une balle au cou, c'est terminé. Aucune pitié, aucune pitié. Aucune pitié, t'as pas de temps pour assumer.